Pour ceux qui ont plus le temps, qui voient la vie en noir et violent, qui ont plus de dents. Leur but imprudent, dans la cage y'en a plus d'un. Je représente pas la République, une vraie putain. La même merde tous les jours, mais on se resserre et se remplit les joues. Le vécu n'est pas pour ma décharge, tellement d'ordures je représente la décharge. On le fait bien, on le fait sale. Vitrio à la chaîne, fallait que j'en place une spéciale. Pour ceux qui mangent la gamelle dure, la nuit on fait des rêves à la Richardure. Les endettés ensevelis sous la dune, pas la haine dans l'ADN, j'ai chopé sur la une. Au fil du temps, mon impression la même. Les petits préparent leur cartable, compressé la même. À présent, je représente, restez fiers dans la descente. C'est bad game, on représente, représailles, reprise dans la volaille. Qui voulait couler l'entreprise, incontrôlable. C'est nos contrôles, le contraire. Pour ceux qui vivent dans la contrainte de se retrouver face contre. Le 9-4 du 08, mais à zéro les compteurs. Je représente, gros. Je représente le 9-4 département. Vitrio et la chaîne, allez, j'en place une spéciale. Le 9-4 département. Je représente le 9-4 département. Vitrio et la chaîne, allez, j'en place une spéciale. Le 9-4 département. Mon 9-4, mon 9-4. Moi j'squatte 9. On pute dans l'œuf, pute dans l'œuf. Touche mon ref, j'te mets 9 claques. Ouais, c'est pas le tapin qui va roser le matin, pantin. Baratin, ça l'heure derrière au mat. Et dans le passé, on voit le futur dans le présent. C'est mon art qui te parle, qui te l'art quand je représente. Ouais. Si on veut bébard, Barbara se présente. J'pirate le pirate, son trésor quand le moment se présente. Vitry, les peines s'alourdissent. Tout street charros que pose, tu me parles, j'allume ma sourdine. Val de barge, sur ligne de départ, anti-dep, anti-tech, 9-4, c'est le département. Ouais, si, poteau, je représente le reflet contre le cerveau tourné qui font que le pneu va tourner. Ouais, si, poteau, je représente, c'est un Schmitt, fais un tour, tourne un clip sur la tour, pas de game, pas de game. Le 9-4 département, Vitry au LHM, allez, j'en place une spéciale. Le 9-4, Vitry, 9-4, c'est le département. Je représente le 9-4 département, Vitry au LHM, allez, j'en place une spéciale. Le 9-4, Vitry, 9-4, c'est le département. Je représente, si, je représente ça. Mais je représente la plupart de mes frères gangsters si on tente ça. Je représente ces mecs à qui le passé hante, à qui l'avenir est centre, à qui y'a rien d'acquis, y'a rien d'intéressant. Ressens la vibe comme une envie pressante. Défonce tes barricades, d'ici dangereux colo, mec, je te présente. Représente cette atmosphère pesante. Comme les frères qui aiment, savent pas quoi faire et toujours en plaisante. Avenir incertain, en sursis, vision plus cœur, c'est des gars plus de frein. Et toujours en galère, mais des gars plus de train. Je représente ce qui vient d'en bas, ce qui vient du peuple et qui est dur. Je représente les tours, les blocs et les murs. Tous en chien, tous en galère. J'ai tout joué, j'ai de qui j'tiens, j'ai besoin de ce salaire. J'en présente le 9-4 département. Entre nos biches, la smalasse, entre place, entre comportement. J'en présente le 9-4 département. Vitry ou LHM, allez, j'en place une spéciale. Le 9-4, Vitry, 9-4,